Javel Cadet se leva, son bras pendait à son côté. Il le prit de l'autre main, le souleva, le tourna, le secoua. Tout était rompu, les os cassés. Les muscles seuls retenaient ce morceau de son corps. Il le considérait d'un œil morne, réfléchissant. Puis, il s'assit sur une voile pliée et les camarades lui conseillèrent de mouiller sans cesse la blessure pour empêcher le mal noir. On mit un seau auprès de lui et de minute en minute, il puisait dedans, au moyen d'un verre, et baignait l'horrible plaie en laissant couler dessus un petit filet d'eau claire. « Tu serais mieux en bas, » lui dit son frère. Il descendit, mais au bout d'une heure, il remonta, ne se sentant pas bien tout seul. Et puis, il préférait le grand air. Il se rassit sur sa voile et recommença à bassiner son bras. La pêche était bonne. Les larges poissons à ventre blanc gisaient à côté de lui, secoués par des spasmes de mort. Il les regardait, sans cesser d'arroser ses chairs écrasées.